بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، حفظكم الله جميعا ووفقنا وإياكم. دونك on va poursuivre inchallah et on va rentrer dans la 58e mas'ala. يقول في 58 أعضاء الوضوء les membres des ablutions يقول حفظ الله تعالى. Donc maintenant quelles sont les parties qui sont concernées par les ablutions que l'on fait pour que notre salat soit rendue valide, car on avait expliqué que pour que la salat soit valide il faut forcément être en état de purification, d'accord, et cet état de purification pour le hadith, pour qui est on va dire l'impureté mineure, il faut les ablutions. D'accord ? Il faut les ablutions. Là, on parle de cela pour l'instant, par rapport à l'impureté mineure. Yaqul al-wajh bima fihi al-madmada wal-istinshaq wal-yadan tughsalan ila al-mirfaqayn wa ra's yumsahu mashan wa rijlan tughsalan ila al-ka'bayn. Donc, en premier lieu, il y a le visage. Et de ce visage fait partie de mettre de l'eau dans la bouche, ainsi que d'aspirer l'eau par le nez et de la ressortir. Tout cela rentre dans le jugement du visage. Deuxièmement, les deux mains qui se lavent jusqu'au coude. C'est-à-dire que les coudes sont compris. Du bout des doigts jusqu'au coude, cette partie des bras doit être atteinte par l'eau entièrement. Troisième chose, la tête qui, elle, est essuyée une seule fois. La tête. Et également les deux pieds qui sont levés jusqu'aux chevilles. C'est-à-dire du bout des orteils jusqu'en haut des chevilles. Wa dalilu qawlullahi ta'ala ya ayyuhallazina amanu idha qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Ô vous qui croyez, lorsque vous vous levez pour la salat, c'est-à-dire pour accomplir la salat, alors lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude, essuyez vos têtes et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. Et regardez bien là dans le verset, Allah Azza wa Jalla dit Warsilu wujuhakum wa aydiyakum. Lavez vos visages ainsi que vos mains. À la base, les mains, yad, c'est souvent compris comme étant ce qu'on appelle la main, c'est-à-dire la paume avec les cinq doigts. Et en réalité, yad en arabe peut également avoir le sens de du bras, entièrement. D'où le fait qu'Allah Azza wa Jalla précise jusqu'au coude. Ce qui veut dire que l'yad, ça peut être également le bras entier. On l'appelle également zira', ça peut être le bras. Par contre, lorsqu'on dit kef, la kef, vraiment c'est la paume, l'intérieur de la main. Donc yad là, ce qui est voulu, c'est l'avant-bras dans ce verset-là. Car il a dit les mains jusqu'au coude. Donc c'est toute la partie, la première moitié du bras, qui est l'avant-bras, avec le coude compris. Et kazalik, rijl, wa mastahu bi ru'usikum wa rijulikum. Arjulakum, afwan. Et essuyez vos têtes, et lavez les pieds. Et rijl, c'est un mot qui veut dire jambe, qui peut englober toute la jambe, comme le pied tout seul. Car pour le pied, on peut dire qadam. Qadam, c'est le pied tout seul. Mais rijl, ça peut être le pied, ça peut être également la partie jusqu'au genou et jusqu'à la cuisse. Rijl, ça peut être la jambe entière. Mais là, dans le verset, ce qui est voulu, c'est le pied jusqu'aux chevilles. Wa ja fi hadith an Abdillah ibn Amr. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعقاب من النار. Il a dit prenez garde à l'enfer pour les talons. À la base c'est le feu. Dans le hadith, le frère a compté, parce que la traduction c'est celle du frère Ayoub Abu Mu'az. Dans le hadith, ويل للعقاب من النار. C'est du feu en fait. Bon, le feu bien sûr c'est le feu de l'enfer. Mais c'est le feu précisément. Et ce hadith là, il est venu explicitement pour citer les talons, car c'est une partie qui est souvent qui est négligée, à laquelle on ne fait pas attention. Très souvent. On fait le wudu. D'accord? On fait le wudu. Et on fait ce qu'il y a à faire. Et soudainement, pendant la salat, quand on est pieds nus par exemple ou autre, on se rend compte qu'il y a une partie du pied qui n'a pas été touchée par l'eau. Et souvent, vous allez voir, c'est le talon ou l'arrière du pied, car c'est une partie qu'on ne voit pas bien. Donc c'est pour ça que le hadith est venu faire bien attention à cet endroit-là. D'accord? Les parties qui sont souvent dures à atteindre, il faut vraiment se concentrer pour être sûr que l'eau elle est bien venue par là. Car si jamais l'ozone n'a pas touché toutes les parties des membres concernés, alors l'ozone ne sera pas valide et la salate également de même. Elle ne sera pas valide car elle n'est pas basée sur la purification. Donc bien vérifier. Bien vérifier que les parties concernées ont bien été touchées par l'eau. Non. Summaqal fi al-mas'ala at-tasi wa khamsin. 59e question, on va dire sujet. Yaqul al-tayammun fil wudu. C'est-à-dire qu'on commence par le côté droit dans les ablutions et pour élargir les traces des ablutions. Tayammun, ça vient de yamin. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme a dit Aïcha, kana yurjibu at-tayammun, que alors, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam aimait commencer dans tout ce qu'il faisait comme chose de louable par la droite. En se peignant, en se purifiant, en enchaussant ses sandales et autres. Il commençait par la droite. Donc il est recommandé, lorsqu'on fait les ablutions, de commencer par la droite. Et quant au fait de bien élargir les traces des ablutions, c'est dans un hadith de Abu Huraira, radiallahu anhu. An al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala, Antum al-ghurru al-muhajjaluna yawm al-qiyama min isba' al-wudu. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Awalan, non, attends, j'ai pas lu le hadith en entier. J'ai juste une partie du hadith, on va relire le hadith en entier. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يده اليمنى حتى شرع في العضد وغسل يسرى حتى شرع في الغضد ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى شرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى شرع في الساق وقال أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إصباغ الوضوء. نعم. حديث أبو هريرة rapporte que le prophète Mohammed se lava la main droite jusqu'à entamer le bras, puis lava la main gauche jusqu'à entamer le haut du bras, puis essuya sa tête, puis lava son pied droit jusqu'à entamer la jambe, puis le gauche jusqu'à entamer la jambe. Et il dit, vous serez marqué de blanc au visage et aux membres le jour de la résurrection par les traces des ablutions. C'est-à-dire que les croyants Yom Al-Qiyamah sont reconnus par les traces de l'eau. Ce qui est encore un fadl, et parmi les adillah parallèles qui viennent pour montrer que celui qui ne fait pas la salat, bah, qui ne fait pas l'eau, Yom Al-Qiyamah ne sera pas reconnu parmi ces gens-là. Donc il a bien dit, il lava sa main droite jusqu'à entamer le bras. C'est-à-dire le début du biceps, on va dire. Et pareil pour le bras gauche, et pareil pour la jambe, qu'il a commencé à se laver la jambe droite, jusqu'à entamer, on va dire, la partie qui est au-dessus de la cheville, un petit peu avant le mollet. Pourquoi cet ajout est là pour agrandir les traces de l'ozo Yom Al-Qiyama. Par contre, il était rapporté que Abu Huraira, radiallahu anhu, lui faisait cela, par exemple, il faisait l'ozo jusqu'à toucher le haut du bras, le haut du biceps. Et kazalik pour les jambes, jusqu'à arriver proche des genoux, il me semble. Et ça, c'est lui qui faisait cela. C'est pas le Nabi Sassan qui a fait cela. Les ulama, ils ont dit que c'est un ijtihad de sa part. Mais en réalité, nous, on n'a pas fait de la sorte, car le Nabi Sassan n'a pas fait comme cela. Mais rien n'empêche de rajouter de l'ozo, de ne pas s'arrêter à la limite exacte, mais toujours élargir. Déjà pour être sûr que cela était bien valide, et également pour agrandir les traces de cette blancheur, Yom Al-Qiyama, par laquelle seront reconnus les croyants. وكذلك قال قال في عنه كذلك إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامينكم. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, toujours selon Abu Huraira, lorsque vous habillez et lorsque vous faites vos ablutions, commencez par les côtés droits. On commence par la droite. Comme on l'expliquait dans toutes les choses nobles est liée à la purification et autres, on commence par la droite. Par contre, pour les choses qui sont liées aux choses moins louables, ou le contact avec les choses impures ou autres, ce sera la main gauche. Par exemple, les stinja, lorsqu'on se rince, qu'on se lave, par exemple, les parties par laquelle on a fait nos besoins, ça sera par la main gauche. Par exemple, pour les hommes, il était interdit de tenir notre pénis en urinant par la main droite. Et également pour nous tous, hommes ou femmes, lorsqu'on s'essuie après avoir été au sel, on s'essuie avec de l'eau avec la main gauche, pas avec la main droite. ثم قال في المسألة الستين. 60e question. Arsenu sifat li wudu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Donc maintenant il dit la meilleure manière de faire les ablutions du messager d'Allah. Là, c'est venu dans un hadith de Othman, radiallahu anhu, qui est muttafaqun alayhi, un hadith authentique. Le shir va citer la façon de faire les ablutions détaillées, se basant sur ce hadith. Il a dit أنه غسل كفيه ثلاثا ثم مضمض واستنشق واستنثر يجمع بين المضمض والاستنشاق من غرفة واحدة فعل ذلك ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا وغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا حتى شرع في الغدد ثم مسح رأسه بماء غير فضل يده مرة واحدة بعدها من قبل رأسه فأدبر من قبل رأسه فأدبر بهما إلى قفاه ثم عادهما إلى حيث بدأ ثم غسل رجليه ثلاثا إلى الكعبين حتى شرعا في الساق. Donc il a dit en premier lieu que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est levé les mains trois fois. Ce lavage de mains, lui, il est recommandé. Ce n'est pas une chose qui fait partie des obligations des ablutions. Ce premier lavage des deux mains, c'est une recommandation. Ensuite, il se rinça la bouche et fit entrer de l'eau dans son nez et la fit sortir et fit sortir ses deux actes en une seule poignée trois fois. C'est-à-dire qu'avec une puisée d'eau dans ta main, tu mets une partie dans ta bouche que tu aspires avec ta bouche et une autre partie avec ton nez. Au début, ça paraît un peu compliqué à faire, mais en réalité, c'est réalisable pour quelqu'un qui se concentre bien. Et après, ça devient habituel, alhamdoulilah. C'est-à-dire d'une seule puisée, tu aspires dans ta bouche et tu aspires par ton nez, l'eau. D'accord ? L'eau, il est recommandé de remuer dans la bouche. Ensuite, tu recraches cette eau de ta bouche et tu expires l'eau qui était dans ton nez. Et tu bouches, tu fais ça en serrant le reishoum. Le reishoum, c'est la partie, je ne sais pas comment dire en français, qui est un petit peu au-dessus des narines. Avec ta main, tu pinces et tu expires pour évacuer l'eau qui est dans ton nez. Et ça, tu le fais avec la main gauche. Pourquoi ? Parce qu'il y aura sûrement des choses, on va dire, un peu sales qui vont sortir de ton nez. Donc, on a expliqué tout à l'heure qu'on se sert de ce genre d'action avec la main gauche. Et donc, tu fais ça trois fois. Donc, on répète, une puisée d'eau, tu aspires avec ta bouche, et tu aspires le reste avec ton nez. Tu remues un peu dans ta bouche, si tu peux. Ensuite, tu recraches l'eau de ta bouche, et tu expires l'eau de ton nez. Tu fais cela trois fois. Ensuite, tu lèves le visage trois fois. C'est-à-dire, tu rejoins tes mains, tu prends deux puisées avec tes mains, et tu te mouilles le visage. Que l'eau touche de ton front jusqu'au bas de ton menton, jusqu'à l'avant des oreilles. Trois fois. Ensuite, il se lava les deux mains jusqu'au coude, trois fois, jusqu'à entamer le bras. C'est-à-dire que là, maintenant, c'est le lavage de l'avant-bras qui doit débuter du début des doigts jusqu'à après le coude. Parce que des gens, des fois, ils se disent, comme ils ont déjà lavé leurs mains au début, c'est pas la peine de relaver les mains. Si, à ce moment-là, il est obligatoire de laver les mains. Jusque au coude. D'accord ? Ce lavage des mains-là est obligatoire, contrairement au premier. Ce n'est pas que l'avant-bras à partir du poignet jusqu'au coude. Non, c'est du début des doigts jusqu'à après le coude. Et cela trois fois. C'est-à-dire, premier, on fait ça une fois sur le bras droit, on va dire l'avant-bras droit, trois fois, puis l'avant-bras gauche avec la main, trois fois. Puis, il essuya sa tête avec de l'eau autre que celle qui était restée dans sa main Une seule fois. C'est-à-dire qu'une fois que tu as lavé tes deux avant-bras, tu reprends de l'eau et tu essuies ta tête. C'est-à-dire que tu fais un passage du front vers la nuque et tu fais un retour de la nuque vers le front. Une seule fois. D'accord? Une seule fois. Septièmement, il se lava les deux pieds trois fois jusqu'aux chevilles, jusqu'à entamer la jambe. C'est-à-dire que ton pied, tu le laves une première fois, ton pied droit, sans que l'eau passe bien dans tous les endroits, entre les orteils, partout, et surtout les talons, on l'a bien dit, fais attention aux talons. Trois fois le pied droit jusqu'au-dessus des chevilles. Une fois que tu as fait le pied droit, tu fais le pied gauche. Trois fois également. Et de là, les ablutions, elles sont complètes. Maintenant, le nombre de fois à faire, faut le faire un nombre. Dans les hadiths, c'est venu que ça a été fait une fois chaque membre, et deux fois chaque membre, et trois fois chaque membre. Et il y a un khilaf. Il y a des ulama qui disent que ce qui est de visage, c'est-à-dire l'estinchar kalamadmada, le fait d'expirer, ou d'aspirer l'eau dans la bouche et dans le nez, que cela a été fait au minimum deux fois. Les ulama disent qu'il faut faire minimum deux fois, pas une fois. Donc quand vous voyez toutes ces divergences dans le firq, qu'on ne sait pas trop distinguer qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire, prenez la parole la plus prudente. Ne vous aventurez pas à prendre un avis qui pourrait vous causer le doute et l'anxiété. Donc à ce moment-là, toi ne le fais pas plus moins de deux fois. Comme ça, tu es sûr que c'est accepté. Et après, quand tu as un niveau suffisant pour pouvoir bien enquêter et être sûr de l'avis que tu as choisi, là, tu fais comme tu es rassuré. Mais au début, quand tu n'es pas sûr, dans ce genre de masaïl, choisis l'avis le plus prudent, celui sur lequel tu verras qu'il n'y a pas de divergence. Donc au minimum deux fois. Et là, on parle de quoi? De lavage de la bouche et de l'inspiration dans le nez. Quant au reste des membres, tous, tu peux les faire une fois si tu veux, deux fois si tu veux, ou trois fois. Non. Également, il est recommandé d'utiliser le siwak avant de faire les ablutions, ou pendant les ablutions. Et c'est le hadith d'Abu Huraira, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Laula nashuk à l'ummati, la martum bi siwak » Il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, si jamais je n'avais craint de trop charger ma communauté, je leur aurais ordonné de se frotter les dents, parce que le siwak c'est pour se frotter les dents, lors des ablutions, selon une version du hadith, et dans une autre version, avant la salat. Car cela purifie la bouche correctement. Le siwak est une chose qui est recommandée dans ce moment-là. Non. Donc, tu vois là ce qu'on a pris aujourd'hui. Je pense qu'on va se contenter de ça pour l'instant, Inch'Allah Ta'ala. Et le prochain Ders sera logiquement vendredi prochain, Biznillah Ta'ala. D'accord ? On a que ta vie à l'écadre. Wa subhanaka wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.